Ainsi se termine, ou presque, nous ne sommes pas pressés, cette deuxième et dernière nuit, Alexandre Dumas. Claude Chopp, vous écrivez dans votre préface à La Reine Margot et La Dame de Montsoreau dans collection Bouquins Lafont, certains romans ont le pouvoir de s'échapper de leur clôture et de se prolonger indéfiniment. Alors donc, cette immersion sonore faite d'archives, d'entretiens, de conférences et d'adaptations théâtrales à l'instant radiophonique, donc, eh bien, pourrait se prolonger indéfiniment. Il pourrait y avoir des nuits et des nuits, Alexandre Dumas. Et vous, Claude Chopp, vous êtes là pour les nourrir. Oui, bien sûr, non, mais j'ai eu l'impression véritablement qu'il est, c'est le Scheherazade du 19e siècle. Enfin, il a... Par quoi est-il menacé? Par quelle mort est-il menacé? On ne sait pas, mais il continue à raconter des histoires. J'ai l'impression que c'est une façon de survivre, effectivement. Alors évidemment qu'on est allé vers la, non pas la facilité, mais la célébrité des textes d'Alexandre Dumas. J'aimerais, pour terminer cette deuxième nuit, Alexandre Dumas, Claude Chopp, qu'on l'on parle de quelques romans beaucoup moins connus. Mm-hmm. Alors voilà, on oublie Les Trois Mousquetaires, on oublie Le Comte de Monte Cristo, on les oublie tous, et pourtant ils sont là en collection Bouquins avec vos notes, vos préfaces, et puis on va vers des romans... Oui. On dirait unitaire si on était dans une. Dans oui, la... volontiers. Voilà. Volontiers. Je parlerai d'abord du Capitaine Pamphile, en fait, qui est une merveille, une véritable merveille d'humour, qui n'hésite pas à avoir parfois un humour swiftien. Il y a tout un chapitre sur comment ranger les nègres qu'on emporte d'Afrique vers ailleurs, comment on gagne de la place en les mettant, en les disposant de telle ou telle façon. C'est une violence contre la traite des esclaves, ce qui est rare chez notre... Oui, Dumas, on parle rarement. Rarement. Alors évidemment, on pourrait, en accord avec cela, parler de Georges, le roman qui se passe à l'île Maurice et qui parle... de la vengeance d'un mulâtre à qui on ne permet pas d'épouser la femme qu'il aime, avec un personnage très Monte Cristo avant l'heure, qui est tout à fait remarquable. Ce sont là deux romans qui se lisent admirablement. Et puis vous avez parlé tout à l'heure, lors de notre entretien dans le milieu de nuit, de Gabriel Lambert. Gabriel Lambert, c'est le récit très intéressant parce que le héros est véritablement quelqu'un de détestable, un faussaire dans tous les sens du terme. Et aussi Les Frères Corse, admirable roman sur le magnétisme en quelque sorte, dans lequel sont deux frères jumeaux vont œuvrer de telle façon que l'un va, le Corse, celui qui reste très Corse, va venir en France pour venger son frère qui a été... assassiné au cours d'un duel malhonnête. Et Pauline ? Pauline, oui, c'est un roman aussi extrêmement intéressant qui lui relève plutôt du roman noir. Gothique. Un peu. Gothique, avec une descente, sinon aux enfers, du moins dans des souterrains du côté d'Oulga, de Beuzeval. C'est un roman d'ailleurs qui, comme Gabriel Lambert, se passe sur la côte normande que Dumas prétendait avoir découvert. Et puis quand même en Italie aussi, enfin bon... Là où il y a des prolongements. En Angleterre, enfin il faut aller... Non, c'est un roman aussi avec un personnage noir, Horace de Beuzeval, qui lui aussi est un personnage noir, tueur, mais admirable par certains côtés, à cause de la force qu'il dégage. Le château d'Epstein. Oui, château de Epstein, intéressant, c'est une des... Seul, non, il y en a d'autres, il y a Les Mille et un fantômes. Mais c'est un roman qui va dans le fantastique, en fait, le problème du retour des morts, etc. Enfin, des morts, ou du moins leur... Donc ça fait partie de ce moment où Dumas n'a pas encore inventé son roman historique, et donc va aller dans toutes les directions possibles et imaginables, si j'ose dire. Vous auriez aussi pu citer Amaury, qui est un roman plutôt sentimental, sous forme souvent épistolaire. Donc il y a un désir de trouver sa position. Après le succès des Mystères de Paris dessus, il y a une tentative. Dumas s'est bien aperçu que c'est là la direction qu'il faut prendre, parce que le succès, c'est-à-dire l'argent, c'est là. Et donc, il va tenter différentes voies avant de voir que, en effet, ce qui a le mieux marché, c'est le roman historique. C'est d'abord Le Chevalier d'Harmental, puis surtout Les Trois Mousquetaires qui, là, vont le décider une fois pour toutes à aller dans le roman historique. Et il va abandonner, jusqu'en 50, il va abandonner toutes les autres formes de romans. Merci Claude Chop. Donc, deuxième nuit, Alexandre Dumas, Philippe Garbi, Anthony Thomasson, Hassan M. Béchour, Véronique Lamandour, Virginie Mourté. Très bonne journée à toutes et à tous.